êtes assez fou pour l'écouter. Simon Fitzbé nous explique la stéréophonie dans sa chronique Phénomène. Et François Landry nous parle de la rentrée parlementaire. On aurait dû le faire en stéréo celui-là aussi. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis. On est en direct des studios de C'est fou à Trois. Alors, ce jeudi 22 septembre 2011, lui, c'est François Vieux-Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. On a du plaisir. On a du plaisir en stéréo. Ah, la stéréophonie, hein? Quelle belle invention. On aime ça, oui. Oui, on aurait pu parler seulement un gars à gauche, l'autre gars à droite. Ouais, c'est plus dur, par exemple. À la radio, avec un seul micro, c'est difficile. Ouais. En effet. Donc, aujourd'hui à l'émission, vous l'aurez compris, Simon Fitzbé va être avec nous, le beau Simon Fitzbé, le tombeur de dames. Le charmant. Le charmant Simon Fitzbé. À 8h avec sa chronique Phénomène, il va nous parler, comme on disait, de stéréophonie. Ça, c'est l'idée que la musique sonne dans de les deux colonnes, à droite. Avec différents effets qui ne sont pas nécessairement les mêmes de chaque côté. Ouais. C'est pas comme du mono. T'sais. Donc, on va entendre des pièces dans les deux styles. Formidable. Ça va être très bon. À 8h30, François Landry. François Landry qui nous parle de la rentrée parlementaire. En fait, là, on parle de politique ici. J'espère. Oui. Et puis, je pense que ça brosse un peu. Ah oui? Oui, je pense que ça brosse un peu. Ah, brasse la cabane? Brasse camarade? Brasse camarade. Ah ben. Aussi aujourd'hui, la connexeur de C'est un fait, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. On va vous conseiller des choses pour régler des problèmes que vous n'avez pas nécessairement dans votre vie. Mais au-delà de toutes les attentes, là, les gens pensent que c'est vraiment juste des affaires qu'on n'a pas besoin parce que le titre, c'est ça, tu sais. Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Il y a des choses utiles là-dedans aussi. Oui. Des choses utiles, oui. Mais il y a aussi des choses inutiles comme des spatules en forme de super-héros. Oh. C'est pas toujours utile. C'est pas toujours utile et souvent c'est très cher. Oui, ben oui. Et des fois c'est vraiment pas cher et des fois personne n'en achète quand même. Ouais. Hein? C'est ça. Ça résume bien l'émission d'aujourd'hui. Entre 7h et 9h, cet assemblage requis. On va commencer en musique avec quelque chose de très très relax aujourd'hui. Ouais. Il y a des journées où on commence pour se mettre dedans avec de la musique super entraînante. Il y en a d'autres où ce qu'on veut plutôt relax. C'est ça, c'est la fin de la semaine pour les émissions quotidiennes et peut-être pour vous aussi, parce que le vendredi, on s'entend qu'il n'y a pas du le monde travaille pas même fort. Non. Hein? C'est ça. C'est le vendredi, c'est mollo pour tout le monde. Exact. Et voici Jean Leloup et The Last Assassins avec The Wheel. Sur C'est fou 89.fr. La Radio Campus de Trois-Rivières. Better empty your mind. Better empty your mind. Better. those road kids cross a line. I'm afraid I'll never understand, baby. And I'm so sorry you had such a bad time. Well, I have done some truly awful things, and you must be very terrified. Well, you have every reason to be frightened, since you've been reading my mind. Who am I to deny this moment? And who am I to even question it? There is a cross on the mountain, baby. There is a cross glowing over your head. Oh, please break this spell you have me under. Every heart is a lonesome hunter. Please break this spell you have me under. Oh yes, every heart is a lonesome hunter. Timber et la pièce Lonesome Hunter dans Assemblage Requis. Avant, c'était The Last Assassins et Jean Leloup. J'adore quand tu dis The Last Assassins. Ouais, un jour, je vais arrêter, là, je vais en revenir, là, mais j'adore ça quand tu dis. Revenir de quelque chose. Oui. Cool, c'est le fun. Donc, c'était la pièce The Wheel. François-Olivier, on a deux sujets à discuter avant de parler de la chronique. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a, c'est que tout le monde attend. Deux sujets très, très, très différents l'un de l'autre. Oui. Le Fond Party. Le Fond Party qui se déroule ce soir. Oui, à 22h. Ici même au 10-12. Le gymnase de l'UQTR. Exactement. Puis en quoi ça se différencie des autres parties, Mathieu? Le Fond Party. Celui-là, c'est comme si il y avait une paille dans ton verre Une taille dans mon verre. Mais un gigantesque verre. Oui, c'est vrai. Avec des couvercles de slot. C'est ça. C'est ce qu'on s'est fait expliquer. Oui. Et là, t'as les pieds dans de la mousse parce que la mousse te tombe sur la tête comme une grosse paille dans un verre de slush qui ferait de la mousse. C'est exactement ça. Ouais. Et d'ailleurs, il invite les gens à se présenter avec leurs lunettes de ski ou de snow. Oui. Puis votre maillot de bain, si vous voulez. Maillot de bain aussi. T'as le droit. Pas tout nu. Non, la nudité n'est pas tolérée. Ça, on s'est bien renseigné à ce niveau-là. C'est après. Chez vous. Ouais, c'est ça, exactement. rendu là, et faites ce que vous voulez. Hein? C'est ça. Puis... Non, c'est ça, ils servent la bière dans des verres de slush avec une grosse paille. Ça, c'est vraiment cool. Là. C'est ça, et puis, en fait, la pré-vente, je sais pas exactement quand ça se terminait. Je sais qu'hier, ils tenaient un kiosque au Ringuet. C'était encore à 12$ en pré-vente. Ouais, ça va être 15$ à la porte. C'est ça, c'est 15$ à la porte, et ça commence à 22h. Mm-hmm, oui, tout à fait. Donc, en fait, gros party. Tout plein de plaisir. Et ils ont gagné un concours pour pouvoir financer les prochaines éditions. Donc, vous savez que le projet se tient, a du sens. Il va y avoir plusieurs centaines de personnes. On s'attend à 700 personnes environ, ce qui est pas mal proche du maximum que la salle peut supporter pour la sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on dit ça. Plusieurs centaines de personnes et sûrement que vous y serez. Oui. Bref, arrivé de bonne heure, si vous voulez être certain en fait, de pouvoir rentrer. Hein. Exact. C'est Trois-Rivières Foam Party. L'autre sujet que je disais, c'est très, très, très différent, c'est celui de la foire de l'emploi qui a lieu. Exactement, c'est la grande fête de l'entraide, de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui se déroule ici même à Trois-Rivières. La FLEBBB. La FLEBBB. Pour les initiales, maintenant. FEFE. La fête de l'entraide, formation de l'emploi, entrepreneuriat. La FEFE. Ça se déroule, en fait, c'est ça, aujourd'hui même, à partir de 9h, donc, dès qu'assemblage requis se termine. Ben, c'est normal, je les comprends, ils veulent continuer d'écouter l'émission jusqu'à la fin. Non, mais ils veulent s'assurer d'avoir le maximum de personnes. Est-ce que c'est positif ou c'est une pin, ça, là? Non, mais c'est parce qu'ils veulent pas concurrencer avec notre émission. Ah, OK, je comprends, c'est... Ah, oui. Tu comprends? Oui, je comprends. Oui. En quoi ça pouvait être une pin? Je sais pas. Donc, voilà, en fait, jeudi le 22 septembre, ou aujourd'hui, de 9h à 18h à la bâtisse industrielle du terrain de l'exposition. Donc, on peut... On se présente là, tout simplement, avec son CV. En fait, peut-être une lettre de présentation aussi. On rencontre directement, en fait, les employeurs. Donc, ça peut être une chose très bien, en fait, là, au lieu d'envoyer son CV par Internet, comme je pense la majorité des personnes le font. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir des ateliers pour... c'est sur parler en fait d'emploi, CV, en fait, comment ça se fait. Les ressources aussi, Emploi Québec, c'est sûr qu'ils vont être là. D'ailleurs, il y a un ordinateur portable à gagner. Oh! Et ça, offert gratuitement par Future Shop, on va le nommer. Parce que c'est quand même gentil, en fait, de s'impliquer aussi dans le communautaire. Donc, très bonne cause. Ouais, exactement. On aime. Donc, voilà, et c'est déjà la 10e édition. Donc, de la FFA? De la FFA! Cool! Oui! Tant mieux, et vraiment très, très bonne idée, cette affaire-là. Donc, présentez-vous, ça va bénéficier à tout plein de gens, ça. De 9h à 18h. Oui. Je pense que le plus de bonheur que vous y alliez, je pense que le mieux, c'est pour vous. De toute façon, traînez votre lecteur MP3, la plupart ont une radio dessus, à part pour les iPods de Touch. Ouais, mais ça commence juste à 9h, donc. Oui, c'est ça, mais si jamais les gens veulent y aller avant la fin. Ouais, c'est ça. Merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu. Oui. Tantôt, dans quelques minutes, c'est juste après le prochain bloc, il va y avoir la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, là, où on va régler vos problèmes avec des gadgets des plus farfelus. Des plus farfelus? The most farfelus! OK. Donc, voici les frères Goyette, la balle est dans mon camp. Hein? Oui. À Assemblage Requis. Avec Mathieu. Et François. Olivier. François Trédunion, Olivier. Plante? Non, oui. Marchand. Moi, c'est Plante. Non. Mathieu Marchand? Non, Mathieu Marchand. M&M, hein? T'as-tu un cousin qui s'appelle Mathieu ou un frère? Ouais. Non. Un gun sur la tempe, vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur requête, leur remet mon maigre butin, une mince pile de vin. Suivez-vous avec mon drapeau blanc. Au gars à la coop, le voleur a pris la porte. Je fixe mon tiroir caisse. Je fus dans la mire, j'ai pensé près de venir la une dans la gazette. Je pars vite, vite sur la gâchette. Je ferme la chope, mais la balle est dans mon camp. Ma femme

Là, tu le sais déjà, je te l'ai dit en nom. Non, non, mais c'est pas pour moi, là. Ah, ben oui. Le petit François-Olivier Junior. Oui. Hey, sérieux, il va. Ouais, c'est formidable. Ben, j'avoue, c'est une maudite bonne idée pour les enfants, ça. Ça, en fait, t'achètes ça sur le site Geek Alerts. Sur le petit lien dans l'article, si tu vas sur assemblagerequis.com, oui, Geek Alerts, tu cliques là-dessus, puis là, ça t'envoie vers le lien pour pouvoir aller l'arter. L'arter. Ça mène vers un autre article qui parle aussi de la chose. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout le temps ça, les blogs sur Internet. Hein. Il n'y a personne qui fait du contenu original sur Internet. Surtout pas branchez-vous, en fait. Pin! Burn! Non, mais c'est... vous autres. Dans ta face. C'est qu'ils prennent des articles de d'autres, et puis à la place de mener vers le magasin, ils créditent la source où ils prennent les nouvelles. Mais je préfère ça que les articles qui ne donnent pas leur source et qui font comme si c'était eux qui l'avaient écrit. Ça, ça m'énerve au plus haut point. Ouais. C'est pour ça que sur assemblagerequis.com, les liens de tout ce qu'on dit dans les chroniques sont là, parce que c'est pas moi qui les ai inventés, c'est sur Internet. Ben... C'est dit, c'est la chronique, ça existe, en parenthèse, mais ça devrait pas, virgule, on l'a, fin de la citation. Parce que je me citais moi-même en train de dire le nom de la chronique. Tu sais, on voit tout le temps ça, des guillemets partout. Hein. Ouais. Il y a des blogs juste pour ça sur Internet, des guillemets. T'sais, mettons, tu vas dans un restaurant asiatique, puis ça dit genre « fine cuisine asiatique », mais c'est marqué en guillemets, c'est comme « ah ouais, t'es sûr que c'est vraiment de la fine cuisine? » Pas vraiment. Non. C'est bizarre. Hein? Fait que sur ça, c'est ça. Ouais. Tu me laisses construire comme ça. Ouais. Je trouve que c'est un petit peu inconfortable comme. Mais non. Non. Okay. Hey, je suis allé voir, en fait, je suis tombé là-dessus aussi. Là. C'est une invention. C'est un tapis de bain. Ouais. Mais quand tu sors, en fait, t'as les pieds trempés. Ah ouais, ben c'est toujours ça. Ouais. C'est comme du sel. C'est comme si t'avais des pieds ensanglantés. Pour vrai, c'est tellement le fun. Ça j'aime s'appelle Blood Bat Mat. Est-ce que c'est dans les liens en dessous de l'article de tantôt? Oui, je pense que oui. Il est pas bon. Mais cool. Faut que tu cliques sur Deal. J'irai voir ça. Hein? En haut à droite. Tantôt. Alors, on écoute Tegan and Sarah avec l'extrait Hell tout de suite à Assemblage Requis. Puis tantôt, reste avec nous parce que plus tard dans l'émission, on a Simon Fitzbay, sa chronique sur la stéréophonie. Est-ce que tu veux qu'on réessaie de dire encore, mettons, Simon Fitzbay, sa chronique? Avec sa chronique. Attention, 1, 2, 3. Simon Fitzbay avec sa chronique stéréophonique. Dans le cadre de sa... Yeah. Oh. Cette année. Bon. Ah. Viens voir le bain. J'arrive. Change before they Shannon et Knuckle Down à son âge requis. Colin, cette pièce-là, François, moi, là. Ça met de bonne mort le matin. Eh oui. On aime ça. Aïe. On aime beaucoup ça. L'album s'appelle Life Fantastic. Pas bien. L'album, es-tu bon aussi? Pas écouter, il faut que je l'écoute. Mais je suis de même, on dirait, des fois, je remets à plus tard, là. Tu sais, j'aime ça, il faudrait que je l'écoute. Ouais. Mais le temps se fait rare, c'est ça. Mais c'est ça, là, d'avoir enlevé mon lecteur CD de mon ordinateur pour mettre un deuxième. Qu'est-ce que t'as fait, là? Non, quelle gaffe. Note de programmation, tout le monde, assemblage requis, à partir de la semaine prochaine, on va avoir un petit peu de changement et ça va être vraiment une bonne affaire pour tout le monde. Je pense que tout le monde va être très, très, très heureux. Donc, les lundis, normalement, depuis le début de la session, c'était Xavier à 8h30. Exactement. On recevait. Ouais, pour la collecter. Ouais, exact. T'es doué à la cuisine? Et manger. C'était bon. Mais hein, c'était bon. C'était très bon. Il déménage à 8h lundi. Oh, encore plus de bonheur. Il recule. Marie-Pierre était les lundis, une semaine sur deux avec sa chronique littéraire. Exact. Et l'autre semaine, c'était Sébastien Dulude avec Va voir ailleurs, j'y suis. On okay. les glisse au mardi à 8h30. OK. OK, parce qu'il n'y avait rien en ce moment à 8h30. Okay. Pour insérer à 8h30 lundi, le grand retour de... Oh! Qui? Lisa? Nicolas. Nicolas Ducharme, hein, le retour de Nicolas Ducharme. Yeah. On l'a pas vu depuis le mois d'avril, nous. Non, c'est vrai. Radio, on avait l'impression qu'il était dans le coin en train de faire de la recherche pour quelconque émission de radio. Mais non, il est de retour. Non, il est de retour et il nous a avoué, d'ailleurs, qu'il s'ennuyait de faire de la radio. Avec nous autres. Il a oublié ce coin-là de la phrase, mais je... Ouais, tu le rajoutes. Ouais, c'est ça que ça voulait dire. Écoute, peut-être. Donc, une chronique sportive tous les lundis. Et évidemment, on l'a mis le lundi, pourquoi? Pour qu'il puisse revenir sur la fin de semaine sportive. Ouais, on va parler de ce qui s'est passé, en fait, la fin de semaine. On est en toi et lui, vendredi, évidemment. Samedi, ouais. Pas moi, là. Ben oui, toi aussi. Ah, je comprends rien. Je suis sûr que dans au moins, là, durant la session, tu vas avoir au moins une question. OK. Je suis sûr. OK. Les couleurs de l'équipe. Peut-être, mais tu sais, écoute, ça peut être bon. On verra bien. Donc, c'est lundi à 8h, il va y avoir Xavier, et puis à 8h30, Nicolas Ducharme, et mardi à 8h30, soyez là pour Marie-Pierre. Sinon, le reste reste sensiblement pareil. On espère avoir d'autres gens qui vont se rajouter d'ici la fin de la session. On sait qu'Émilie Gauthier veut te sortir avec moi. Oui. C'est le nom de sa chronique. La chronique plénière, elle n'est pas là depuis le début de la session, mais elle s'en revient bientôt. Oh oui? Est-ce qu'on a une date? No stress, non, pas de date. Non. Pas de date. Ouais. Donc, si vous voulez surveiller Facebook et la page web, le site web assemblagerequis.com pour en savoir plus. On va retourner en musique encore un petit peu pour aller entendre du Carré Mouellette. Rock On, c'est ça? C'est Rock On que tu me fais. Yeah. C'est ça? C'est pas le fuck you du rack à baisser. Non, le fuck you, c'était ça. C'est plus ça? OK. Ouais. On se fait des signes de main. Il y en a des un petit peu trop osés là-dedans. Là. Hey, on était à la radio aussi, là! Hein? Ah, justement, personne n'entend! Ah, c'est vrai, excuse-moi. Ben, continue là-bas. Non, continue. J'aimerais ça. S'il te plaît. Prends ça. Les yeux. Carrie Mouillette. Une chance que j'ai pas un enfant, puis un chat, c'est bien normal, ça. C'était Carrie Mouillette avec Catastrophe à Assemblage Rocky. Catastrophe. Catastrophe, c'est comme un chat. Catastrophe. Catastrophe. T'as la pointe? Ben, je la pointe, malheureusement. Ça la rend pas plus drôle. Hein? Okay. Donc, fin de la première heure, tantôt, on a Simon Fitzbé qui s'en vient. De quoi il nous parle, Simon, non? Simon, il nous parle de la stéréophonie. On a réussi. Avec Mathieu Plante. Assemblage Ricky. On a aussi François Landry avec sa chronique politique Logocratie 101. C'est ce qui s'en vient dans la deuxième heure. Ça va être beau, ça, pour finir la semaine. Ouais, exactement. Il n'y a pas de Isabelle Racicot là-dedans, mais ça finit quand même bien la semaine. Ah, oh, parce que son émission. C'est elle, c'est ça, l'émission en TVA. Ça joue-tu encore? Oui. Oh. Mais avec une co-animatrice invitée. Fait divers, c'est le fun, hein? C'est très fun. J'ai pas écouté. Moi non. C'est ça. Ça m'intéresse. On va continuer comme ça. Ouais. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa. Makes me wanna smoke crack. Là, c'est peut-être ta préférée, celle-là. Juste pour... Ouais, exact. C'est ça. Excuse-moi d'avoir utilisé la technique brevetée de Mathieu Plante d'ouvrir les micros. J'ouvre les micros sans le dire à l'avance. Breveté dans ma tête. Qu'est-ce que t'allais dire, François? Ben non, mais je sais pas. En fait, là, Simon Fitzbé a fait son entrée dans le studio. Oui, il s'en vient, il s'en vient. On est ravis, on est content de te voir. Ben, il est toujours aussi charmant. Tu l'as dit tantôt, François, il trouvait vraiment charmant. Moi, je le trouvais beau. Bien coiffé et... velu. Velu. Mais dans le bon sens du poil. Dans le bon sens du poil. Dans le bon sens. Bradycardie, et si jamais, puis on revient avec Simon plus tard, restez là. C'est Assemblage requis au 89.1 FM, c'est fou. Bradycardie avec la pièce Et si jamais à Assemblage requis. Hein? Avec Mathieu Plante. Oui, et François-Olivier Marchand. On dirait que tu cherchais mon nom. Non, c'est ça, je cherchais le micro de Simon Fitzbay. Bonjour, monsieur Fitzbay. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Ah, ça va bien, ça va bien. Oui. Parle-nous de ça. C'est super, Colin. Le monde est heureux. Voici Phénomène. Salut Simon. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Vous savez que c'est ma sonnerie de cellulaire maintenant. Ah, en vrai? Oui, la musique de Dr. Who. Ouais. C'est cool, c'est cool. Je suis fan à ce point-là. Et t'es capable de la jouer comme sur une thérémine avec tes mains pendant l'intro? J'essaie, ouais. Ça, c'est bien. Ça donne ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Ben, ça donne toujours un résultat positif avec Simon Fitzbay. On sait que Simon Fitzbay est un homme d'honneur. Ah oui, oui. Et qui mérite tous les compliments. Ah, donc ben là, les voici même. Tous en même temps, mais j'ai pas fait le tri, fait que... Je te donne un dictionnaire de synonymes, d'adjectifs, comme cadeau. Bon. Donc, Simon, aujourd'hui, dans la chronique, ça ne voulait rien dire. Phénomène, aujourd'hui, on parle de stéréophonie. Et là, il faut faire un petit avertissement au début de la chronique que ce n'est pas tout le monde qui va écouter la chronique qui vont être capables d'entendre. Malheureusement, oui, parce qu'on diffuse en mono sur l'Internet. C'est ça. Donc, il y a certains endroits où ça va être en mono, que vous nous écoutiez en balado-diffusion dans l'émission complète, dans une rediffusion de l'émission, peut-être dans les meilleurs moments de C'est fou, peu importe où vous écoutez, peut-être qu'il n'y aura pas l'effet stéréo. Oui, exactement. Donc, pour cette chronique-là, précisément, aujourd'hui, la première partie va être un peu dommage parce qu'on voulait avoir des démonstrations stéréo, mais quand même, vous allez voir que, parce qu'on va en reparler également la semaine prochaine, du côté plus populaire, la musique populaire, et là, on va voir quand même la différence. T'aurais pu parler juste du côté gauche cette semaine, puis la semaine prochaine, parler le sujet du côté droit. Oui, ça aurait été cool. Ça aurait été très, très cool. Mais ça va être plus intéressant ce que tu vas faire. Je pourrais parler avec deux micros, à gauche, à droite. J'ai essayé, ça marche pas du tout, ça. Non, hein. Non. Mais par contre, parler loin du micro, ça fonctionne, les gens s'en rendent compte. Ça donne un effet de profondeur. Oui, c'est de la radio en 3D! Et oui, donc, je viens vous parler de la stéréophonie, la stéréophonie, le standard maintenant que nous avons dans tous nos foyers, dans toutes nos maisons, qui s'est installé partout. Et la stéréophonie, c'est une invention géniale qui remonte à bien plus loin qu'on peut le penser. Bien que elle a fait son apparition sur disque dans les années 50, il faut remonter au 19e siècle pour retracer les premiers concepts de stéréo. Et c'est en fait la première diffusion stéréophonique remonte à 1884. Wow. Quand même. Oui, quand même. C'était dans l'opéra. En fait, ça a été à côté de l'opéra Garnier de Paris. En fait, c'est basé sur un concept de Clément Alder, c'est-à-dire qu'on diffusait la musique de l'opéra, c'est-à-dire du côté de l'opéra Garnier. En fait, on la présentait dans le bâtiment à côté via deux micros qui captaient à différents endroits de la salle et les gens avaient deux petits écouteurs et pouvaient entendre donc les deux sons dans deux oreillettes différentes. Voilà. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de place. Pardon? Distinct. Oui, exactement. Mais est-ce que c'était parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la première salle qu'il fallait qu'il puisse avoir du public dans la deuxième? Si on veut, bizarre. Oui, mais c'était également pour M. Alder une façon de prouver c'était un concept. Son invention, oui, exactement. Ouais. C'était pour les gens qui avaient peut-être moins d'argent pour aller au théâtre, bien là, ils pouvaient l'écouter donc sur une petite machine. Et on appelait ça à l'époque la théâtrophonie. Ah, bon, non? Oui, oui. Mais en fait, c'est ça le principe de la stéréo. En fait, deux micros ou plus qui captent différents sons dans une pièce ou dans un studio afin d'offrir un son différent dans deux sorties indépendantes l'une de l'autre, comme des haut-parleurs ou des oreillettes. C'est une illusion auditive, dis-je, qui nous fait croire à une structure de profondeur de son qui se rapproche à l'audition naturelle, ce qu'on entend autour de nous, en 3D, justement. Ben oui. Et donc, le stéréo vient du grec stéréo, qui signifie spatial et solide, et phonie vient du grec phono, c'est-à-dire le son et le ton. Donc, les deux vont ensemble. C'est quand même assez bien fait. C'est dans les années 30 que la stéréo est brevetée par EMI. En fait, c'est Alan Blumlein, voilà, qui est responsable d'un enregistrement stéréo. Il s'agit d'enregistrer en fait sur deux bandes indépendantes qui seront gravées ensemble et simultanément sur un disque. Et sur le disque, version vinyle ou en cire à l'époque, eh bien le son est gravé sur les deux parois du rayon, c'est-à-dire qu'à la place d'un son mono qui est dans le fond du rayon, c'est-à-dire l'aiguille gratte dans le fond. Eh bien là, elle se retrouve sur les deux parois du disque et elle gratte donc dans le fond, mais également sur les côtés. Elle vibre un peu de partout et c'est ce qui fait que le son est transmis dans les deux haut-parleurs. Donc, c'est assez intéressant comme technologie pour l'époque. Par contre, encore, là, on enregistrait beaucoup en monophonique, c'est-à-dire un seul micro et une seule piste. On pouvait enregistrer sur plusieurs bandes, mais le mix final en comptait encore une seule, malheureusement. Et le cinéma a beaucoup aidé à développer la stéréo. Effectivement, les orchestres enregistraient les trames sonores en stéréo, justement, sur des enregistreurs multipistes. Le premier film a présenté une trame sonore bidirectionnelle et Love, Find and the Hardy avec Judy Garland qui a été présenté en 1938. Le film Fantasia de Walt Disney a été aussi enregistré en stéréo, c'est-à-dire que la musique était enregistrée sur plusieurs pistes et diffusée dans différents côtés. D'ailleurs, ce qu'on peut entendre, c'est Une nuit sur le Mont Chauve de Mougorski qui se retrouve justement sur la trame sonore de Fantasia. C'est probablement la pièce la plus épique, justement, là, cette trame sonore-là, selon moi. Il s'agissait, eux autres, ils appelaient ça le Fantasound, donc pour souligner un peu Fantasia et tout. Malheureusement, dû à un manque de technologie dans les cinémas, la majorité des bandes sonores étaient remixées en mono afin de pouvoir offrir l'ensemble de la musique au public. Ça rendait les éditions DVD, en fait, ça rend les éditions DVD des films encore plus intéressantes puisqu'on peut retrouver les mix stéréo originaux sur les DVD. Donc, vous pouvez avoir ça, une bande sonore stéréo qui date de l'époque. Ça, c'est assez cool, merci. À la radio, c'est la BBC qui a diffusé en stéréo la première fois en 1925. Elle a transmis un concert de musique classique en utilisant les ondes longue portée pour un canal de son et les ondes moyennes qui transportaient le second canal stéréophonique. Donc, vous aviez, dans le fond, le son qui venait d'un bord puis de l'autre qui arrivait en même temps dans votre radio, tout dépendant de l'onde. Donc, il y avait peut-être une petite interférence, mais quand même, ça a été la première fois qu'on avait du stéréo dans une radio, malgré que les radios étaient mono, donc c'était une illusion de stéréo. C'était pas vraiment ça, en fait. Et la stéréo est restée marginale, en fait, dans le milieu de la radio jusqu'au début du FM, dans les années 50. La stéréophonie est devenue le standard du FM à peu près à cette époque-là, qui pouvait diffuser plusieurs sons sur la même bande et donc envoyer sur différents canaux le son en même temps à l'auditeur, donc, ce qui offrait vraiment quelque chose de plus génial. À la télévision, la stéréo était possible dans les années 50, ainsi que dans les années 60. On offrait aux téléspectateurs d'allumer sa radio FM et d'entendre un second canal de son simultané avec celui de leur téléviseur. Et parfois même, ils pouvaient avoir le stéréo directement de leur système de son. Et c'est pour ça que les séries qu'on regarde en reprise des fois sur des chaînes en ce moment, il y a toujours décrit en bas « In stereo where available ». Sur les reprises, c'est pour ça, c'est parce que ça vient de l'époque où le stéréo fait qu'on le précise. Exactement. Où c'était nouveau. T'sais. Exactement. Et on pouvait se brancher sur une station de radio si on voulait pour avoir le son stéréo. Mais cette pratique-là était courante donc jusque dans les années 90 quand même. Ça a été jusqu'à assez loin. Mais la technologie câblée a rendu la stéréo sur télé disponible au grand public sans l'aide d'une station FM parce que le son passait directement par le câble. Et maintenant, à l'ère du numérique, ben il est impensable de mélanger les sons de la télé et de la chaîne FM à cause du délai de transmission numérique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme un 2-3 secondes. Ouais. Canadien est plus proche de la vérité lorsqu'on l'écoute à la radio qu'à la télé. On ne veut pas mélanger les deux. Des fois, quand tu regardes la télé du voisin dans sa maison à côté, puis que lui, il a un système de satellite ou quelque chose du genre, tu vois tout le temps l'image, soit avant ou après. Ouais, exactement. Tu fais comme, Caroline, j'ai pas vu ça encore. Ils ont scoré. Ouais, ben c'est oui. Ça. Si ton voisin en haut n'a pas la télé numérique, toi, tu l'as, tu vas savoir qui est-ce qui a scoré avant. Tu sais, c'est vraiment très, très plaisant. Parce que tout le monde est pour les Canadiens au Québec, c'est ça. Ouais, tu sais que ça ouais. va être les Canadiens. Ouais, c'est pas mal. C'est ça. Ils ont-tu gagné? Ah non. Hein. Du côté de la musique populaire, la stéréo a pris du temps à se faire de la place. Tout d'abord, soulignons les systèmes de son stéréo qui pouvaient coûter jusqu'à deux fois plus cher que le système mono à son lancement. C'est logique, stéréo deux fois. Deux fois plus cher. Et les studios d'enregistrement étaient quelque peu frileux, si on veut, à la stéréo, puisque l'équipement nécessaire pour enregistrer coûtait extrêmement cher et les producteurs n'étaient pas non plus des pros de la stéréo. Ils avaient, eux, travaillé trop longtemps avec une seule piste pour qu'on puisse leur en donner une deuxième comme ça et qu'ils disent « Ben là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Ils ne savaient pas. Amy Cook, lui, a créé en 1952 une nouvelle façon de diffuser de la stéréo sur disque avec deux rayons qui diffusent deux canaux séparément sur le disque. Chaque rayon, par contre, nécessitait une aiguille et rendait le prix plus élevé, bien sûr, ici qu'un nouveau système de son, puisqu'il fallait avoir une table tournante qui fonctionnait avec deux aiguilles et tout. Et ça n'a pas plu à tout le monde nécessairement. Finalement, c'est le label Audio Fidelity Records qui débute la production de masse des disques stéréo pour grand public. On retrouvait sur la face A de leur premier disque, The Duke of Dixieland, et sur la face B, un train qui semblait passer d'un speaker à l'autre. 500 copies ont été pressées et le président de la compagnie, Sidney Frey, a pris une page publicitaire dans le magazine Billboard où il offrait gratuitement une copie de ce disque à n'importe qui de l'industrie qui lui enverrait une lettre à l'entête de leur compagnie. Audio Fidelity Records, producers of StereoDisc, the world's first compatible stereophonic high-fidelity record, presents a study in stereophonic sound. In conventional recording, you hear a combined sound from a single speaker. But now, with a wonderful new miracle of stereo, two sounds originate simultaneously from a single groove. Ce que vous entendez, en fait, présentement, c'est le disque d'Audio Fidelity stéréophonique. Et voilà, justement, on nous offre un extrait de stéréo. Et là, le petit monsieur, justement, qui parle est rendu de l'autre côté. Et la pièce qu'il nous a présentée, c'est The Duke of Dixieland, justement, qui était sur le premier 45 tours. Et là, vous entendez l'effet, il passe d'un speaker à l'autre. C'est hot, quand même, là, dans le temps, là. C'était nouveau. Oh, ouais, c'est ça. C'est révolutionnaire. Ouais. C'est vraiment... Here's the other. And here they are together. C'est peut-être meilleur dans les écouteurs que pour les gens à la maison. Ouais, ouais, probablement. Mais... Ah, c'est très bien fait. C'est de la polka. On a l'air d'une gang d'effets à faire là. Ouais, en effet, en effet. Now, here's a stereo disc recording. Donc, c'est justement ce qui se passe avec ce stéréo, ce disque-là. On présente aux gens qu'est-ce que la stéréo. Et là, vous allez entendre dans la dernière extrait, en fait, du bagpipe, c'est quoi? C'est cornemuse. Ouais, cornemuse. Cornemuse avec de la batterie. Et on entend vraiment d'un côté la cornemuse et la batterie de l'autre. Je savais pas que c'était possible de rendre la cornemuse encore plus gossante. Moi, j'aime bien le son de ça, mais c'est pas super. Ben, c'est quand même bien. Et en fait, ce qu'on expliquait là-dedans, c'est que le dernier extrait, c'était pour démontrer un genre de trois dimensions qu'on avait dans le son. Chose qui était à l'époque vraiment géniale. Et ces disques-là d'Audio Fidelity Stereophonics peuvent coûter quand même assez cher maintenant parce que c'était les premiers stéréos. Et avec celui-là, c'est un extrait d'un disque qui était là vraiment pour démontrer aux gens les pouvoirs là, de la stéréo. Ben, c'est quelque chose d'inusité à l'époque. Je trouve ça aussi efficace que maintenant les démos pour montrer la télé HD. Ouais, pas 3D, mais HD. Hein, ouais. Pour être impressionné par la chose, ça impressionne quand t'as jamais entendu des trucs différents dans tes deux oreilles. C'est ça, exactement. Comme tes deux yeux ont jamais vu de la télé haute définition, ouais. Mettons. C'est ça, même chose. Et d'ailleurs, on s'excuse encore pour les gens qui écoutent en rediffusion ou en balado-diffusion. Malheureusement, c'était pas. C'était en mono, mais ils ont entendu tous les sons quand même. Voilà. C'est quand même assez bien. Bref, ce pressage disent de. Le mec, oui. Ce pressage de masque. De masque. Pressage de masse des premiers disques stéréo a aidé à lancer la méthode d'enregistrement qui reste encore la plus populaire aujourd'hui. Les maisons de disques ont commencé à enregistrer leurs artistes sur plusieurs pistes et avec plusieurs microphones et mixer donc les enregistrements directement en mode stéréo. Soyez des nôtres justement la semaine prochaine lorsque je vous présenterai comment la stéréo s'est tranquillement installée dans nos foyers ainsi que sur nos disques favoris afin de devenir le standard d'enregistrement que l'on connaît aujourd'hui. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing their bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. We gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. Oh, we gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone." Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? We never thought of ourselves. She's leaving. Never a thought for ourselves. Oh. We struggled hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many. Far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. What did we do that was wrong? He's heavy. Quand j'entends les Beatles, je me sens comme tout réconforté. Je suis comme dans un monde de confort. Les gens qui connaissent vraiment très, très bien les Beatles ont remarqué que cette version de She's Leaving Home était quelque peu accélérée. En fait, c'est la version mono qu'on retrouve sur Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band mono, qui se retrouve entre autres dans les coffrets justement des Beatles in mono. Ça fait partie des 3 ou 4 chansons qui ont été enregistrées quelque peu, un petit peu plus rapidement que les versions stéréo. Donc, il y a des petites variations. Et d'ailleurs, on en reparlera justement la semaine prochaine lorsqu'on va toucher la stéréo dans la musique populaire. Ouais, ça m'intéresse parce que je me demandais justement pourquoi il y avait des coffrets mono. Est-ce qu'il y avait un avantage à acheter des coffrets mono? En fait, c'est que les pièces, entre autres comme les Beatles, mais aussi tous les artistes qui ont commencé dans les années 60, ont commencé en mono. Ouais. Et parfois, les enregistrements mono sont vraiment différents du stéréo. Il y a beaucoup de gens qui avaient jamais entendu les Beatles, disons, en mono, qui les ont écoutés, ça a complètement changé leur perception du groupe parce que le son arrive des deux haut-parleurs en même temps et s'est mixé d'une façon à ne pas nécessairement trop se monter un par-dessus l'autre dans le son. Donc, okay. On arrive quand même à distinguer une partie de la musique qui est différente des fois. Et lorsqu'on entend en mono, ça change notre perception vraiment. Mm-hmm. Je vous emmènerai des exemples la semaine prochaine. Merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir. Maintenant, merci. Dehors. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Simon, de ta présence, comme toujours, à l'émission. Et puis, ta chronique Phénomène sur le tour jeudi prochain à 8h. Bien sûr. Deuxième partie de la stéréophonie. Oui. Le canal droit. Exactement. Après le gauche. Tout à l'heure, on va recevoir, pas le gauche, mais le François Landry. Le gauchiste. Oui, ben je voulais pas le dévoiler en nombre. Le centriste, en tout cas. François Landry, et sa chronique politique tantôt. On parlait de la rentrée parlementaire. Mm-hmm. Oui. Ça commence tard, ces affaires-là. Hein? Ça finit de bonne heure. Ouais, ça finit de bonne heure. Ils sont tout le temps arrêtés. Oui, oui. Ils sont jamais vraiment là quand on y pense. Là. Si tu enlèves toutes les pauses et les heures de dîner, il reste pas grand temps. Plus qu'il y a ponts qui sont sur le bord de tomber, plus qu'ils sont pas là. Voilà. Alors, écoute, Tokyo Police Club, tout de suite, voici Bambi. Vous êtes à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées au 89 FM, c'est fou. De matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. C'est toujours Assemblage requis avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. En très bonne compagnie. Ben oui, très bonne compagnie. Simon Fitzbé toujours avec nous. Bonjour. Bien sûr. C'est moi, vrai? Je suis toujours ici quand je peux être là. Ouais. Donc, on va accueillir notre ami François-André. Est-ce que notre ami truc mérite encore son... Jusqu'à maintenant, mais je veux dire que Pierre Chagnon commence étrangement à m'intéresser avec ses jokes de mononcle cru. Un mononcle d'importe Noël, okay. Il dérange. Rénal? Mononcle gingras. Lui, Pierre Chagnon, il me fait penser à un mononcle dans un party de Noël. Fait qu'on pourrait mettre ses blagues dans notre intro. On pourrait, je vais essayer de trouver un extrait, là. J'aimerais ça. Je vais essayer, parce qu'il pose toujours des questions, puis il finit avec une blague. Il rit de ses jokes. Donc, voici le Gocratie 101. S'il vous plaît, collègue. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Tousignan en plante. Oh! Les insultes à matin. Ben, tu m'as traité de centriste. Ouais, mais c'était parce que je voulais pas dévoiler au grand jour, tu sais, les journalistes et l'éthique journalistique okay. de pas révéler ces, tu sais. Je pense que les journalistes savent que j'aime la politique tout court. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'ils s'en doutent. Puis t'es de gauche. Ouais, ouais, ça je l'assume. Ouais. Et non, centriste, extrémiste, que tu ouais, extrême-centre. Extrême-centre, ouais, j'aime ça veut bien dire ça, quoi? Ça veut dire que je suis un pur Québécois. C'est, ah ouais. Et eux autres volent à droite, qui à vote gauche, peu importe. Ouais, ouais, conservateur, NPD, bloc. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème, en autant qu'ils me sacent la paix. Ça résume ça. OK, bon, on va faire attention. Donc, François, aujourd'hui, tu nous parles de la rentrée parlementaire à Québec. Là, c'est enfin commencé. C'est-elle une école primaire ou je sais pas quoi? Qu'est-ce qui commence super tard dans la vie? C'est l'université qui commence le plus tard. Puis c'est genre au mois d'août, là, c'est début septembre. Genre début septembre, mais là, la rentrée parlementaire s'est faite à la fin septembre. Wow. Et c'est peut-être tant mieux parce que c'est agréable. Écoute, v'là 2 semaines qu'on a commencé l'émission officiellement ici, je vous avais dit, puis là, je vais faire amende honorable, il va y avoir des élections cet automne. Vous en rappelez ça? Je dis, c'est certain qu'il y en a. Mais là, je me revise aujourd'hui, je l'assume, il n'y en aura peut-être pas. Il n'y en aura peut-être pas. Pourquoi? Parce que ça va mal pour... Ça va mal à la shop pour tout le monde. Sauf peut-être Québec solidaire qui, lui, ça va très bien parce qu'il n'y a pas... Lui, il n'y a rien à se reprocher. Lui, il passe à l'attaque, tout simplement. Et Amir Kadir a fait un très, très bon coup, encore une fois, cette semaine. Je dois le féliciter. Même les journalistes le reconnaissent. Si vous avez vu les nouvelles, vous avez vu la fameuse photo qui a fait la une de tous les journaux cette semaine. Amir Kadir au micro, entouré des 5 députés péquistes démissionnaires. Indépendants. Les indépendants. Éric Kerr, Picard aussi. Pierre Curzi. Oui, Pierre Curzi était parmi les démissionnaires. Donc, Amir Kadir qui, officiellement, là, c'est un député indépendant. Il n'est pas reconnu comme parti à l'Assemblée nationale. On voit le mot Québec solidaire en dessous de son nom, là, mais ah, ça ouais? prend 4 députés ou 15% du vote populaire pour avoir le statut de parti politique mm-hmm. à l'Assemblée nationale. Donc, il est compté dans les faits comme étant un député indépendant. Mais à ADQ, sont combien? Sont 4. Donc, sont 4, okay. Ils sont reconnus, eux autres. Okay. Puis, ils ont fait... c'est 12%, excuse-moi. C'est, l'ADQ avait obtenu 13.quelques%. Puis, ils ont dit, ouais, là, on sera pas reconnu comme parti à 15%. Donc, ils ont demandé un ajustement de la loi électorale. Puis, à 12%, ils sont maintenant reconnus comme parti officiel à l'Assemblée. Et ils ont 4 députés. Il y en avait 6 qui se sont fait élire. Il y en a 2 qui sont partis. Donc, Amir Kadir qui a réussi à rassembler pour une des rares fois toutes les tendances idéologiques du Québec, donc péquistes, sauf les libéraux. Les péquistes, les adéquistes, les indépendants adéquistes et Québec solidaire qui est de gauche, ensemble pour dénoncer la collusion en construction, pour demander un débat d'urgence sur une commission d'enquête publique. Et ça, un débat d'urgence, c'est on met ça en priorité. Donc, on met sur la glace tous les autres dossiers. On ne fait que débattre pendant une centaine d'heures sur ça. Là-dessus. Et ça a été refusé par Pierre Chagnon, donc le mononcle de Noël. Rénal. Ouais, on va l'appeler Rénal. Oh. Hein? C'est un bon nom. Donc, lui, le président de l'Assemblée, a le droit, c'est son pouvoir discrétionnaire, d'accepter ou refuser. Mais lui a été nommé par les libéraux. Par l'Assemblée nationale. Par l'Assemblée. Mais ça va au prorata des votes. Donc, c'est les libéraux qui sont majoritaires. Donc, c'est les libéraux qui l'ont nommé. Et c'est donc son pouvoir de dire oui ou non. Et lui, il a dit, je ne vois pas l'urgence d'avoir un débat sur la construction, le milieu de la construction. Donc, on s'entend qu'il y a eu un mot d'ordre peut-être de Jean Charest ou de sa gang rapprochée. Ah, c'est sûr que... Pour dire, c'est pas urgent qu'on en parle. Parce que, il y a 2 semaines... Jean Charest avait le vent dans les voiles. Dans les sondages, il remontait la pente. L'écart se creusait entre lui et le Parti québécois. Et là, bang! D'un coup, Radio-Canada met la main sur un rapport non officiel de Duchesneau, donc le chef de la police, l'ancien chef de la SPVM. Ouais, la ville de Montréal. Là. C'est lui qui est à la tête de l'unité publique anticollusion. Exactement. L'UPAC. Puis... Lui, il a fait un rapport sans nommer de nom, puisque le rapport n'est pas encore terminé, donc il n'a pas étoffé, mais il a dit qu'il y a, oui, infiltration de la mafia ou, soyons plus généralistes, il y a de la fraude. Mais c'est pas une très grande surprise. Non, sauf que c'était des allégations. Là, avec ce rapport-là, on peut pointer du doigt pour dire « c'est prouvé ». Ben, c'est prouvé, mais il y a des gens en fait qui l'ont fait avec. Si je prends, là je me rappelle plus de son nom, celui qui anime Enquête là, à Radio-Canada. Oui. Lui, il l'avait prouvé en fait. Là, de sauf façon que c'est un clair. Journaliste, c'est pas criminel, c'est pas. Tu sais, il l'a prouvé, oui, mais de manière journalistique. Donc, c'est pas On peut l'amener en cours, mais c'est aux petites crèmes, ça, on s'entend. Ça ne sera pas quelque chose de tangible. Et aussi, ce que Alain Gravel de l'émission Enquête, que tu dis, a amené comme preuve, ça ne touche pas les politiciens. Ça touche le système politique. Donc, on ne peut pas traîner en cours le système politique ni le gouvernement. Tandis que dans le rapport du Chesneau, il y aurait des politiciens d'inscrits. Qui étaient au courant et qui faisaient... C'est ça. Soit qui ont fermé les yeux ou soit qui ont des grandes poches bien pesantes. Ou qui ont participé. Ou qui ont mis en place le système. Là, j'ai pas encore lu le rapport. Je vais faire mon Jean Charest moi-même. J'ai pas lu le rapport. ça, par exemple, j'ai trouvé ça moyen. Ça, il l'a échappé. Ben, tu peux pas dire que tu l'as pas lu. Si tout le monde en parle, je m'excuse. Si t'es premier ministre, t'as pas le choix de le lire. Ben, c'est justement pour te prouver à quel point qu'eux autres, ils veulent rien savoir de ça. Ils veulent faire comme les trois singes. Il y en a un qui se ferme les yeux, il y en a un qui se ferme les oreilles, puis l'autre la bouche. Comme dans Ratway, dans Privé de sens à Radio-Canada, ils ont fait ça. Ça se peut, Mathieu. C'est très original et jamais vu. Ben, écoute, comme concept. C'est quand même la télé. Donc, énorme. Puis m'en fort. Ouais, c'est chaud. Ouais. Donc, ils veulent fermer les yeux là-dessus, puis ils veulent pas en parler, ils veulent même pas rien entendre. Et à tel point que Pierre Moreau, le nouveau ministre responsable des infrastructures, des travaux publics au Québec, qui remplace notre ami Sam Ahmad, celui qui il disait qu'il n'y a pas de pont qui tombe au Québec, puis au même moment, il y en a un qui tombait. Donc, Pierre Moreau, qui s'en va dire que la population se trompe. La population veut une commission d'enquête, mais c'est pas le bon choix. Nous autres, au Parti libéral, on a la bonne solution. Tu peux pas non plus dire que la population se trompe. Pas à 80%. Si c'était des sondages de 10-15%, tu dis que c'est une minorité. Tu peux pas. Mais là, tous les sondages confondus, tant au Canada anglais qu'au Québec et par les différentes firmes, disent que 80% des gens veulent avoir une commission d'enquête. Et parmi le 20% qui reste, il y en a peut-être 3-4 indécis. Les autres, c'est... ouais, ça n'en prendrait une. C'est au conditionnel. Donc, on s'entend que c'est tout le monde qui en veut une. On s'entend là-dessus. Donc, là, les libéraux veulent fermer les yeux là-dessus parce que ça pourrait tellement les éclabousser parce qu'ils savent pas ce qui pourrait sortir. Ben, c'est eux autres qui sont au pouvoir. Là. Oui, j'en jasais hier avec des amis pour dire « Est-ce que je suis pour ou contre une commission d'enquête? » Instinctivement, j'aurais dit « Oui, j'en veux une. » Mais je me suis mis à réfléchir à ça. Je dis, il y a présentement l'UPAC, donc l'unité anticollusion, qui est enquête, donc des policiers qui peuvent amener en cours devant un juge quelqu'un ou quelque chose ou un système. Et de l'autre côté, une commission d'enquête où c'est un juge qui reçoit, qu'il ne fait qu'écouter, lui, il ne peut pas émettre d'amende. Ça sera juste des recommandations. OK? Sauf que les deux ont des points positifs et négatifs. Prenons la commission d'enquête. Les points positifs, c'est qu'on pourrait avoir plein de gens qui vont venir parler comment ça fonctionne la machine. Les enveloppes brunes, comme le blanchiment d'argent, les dépassements de coûts, les systèmes d'attribution de contrats, la location de contrats sur Internet, sur les packs des contrats de construction qui sont en location. C'est interdit par la loi, mais ça existe. Donc, on pourrait savoir comment ça fonctionne pour y mettre un terme ou au moins mettre des bâtons dans les roues dans le futur rapproché. Et il y a tout le côté intimidation aussi. Là, Exactement. Donc, ça pourrait se calmer pour une couple d'années. Mais... le gros point négatif, c'est que pendant que tu témoignes, quand tu es appelé à témoigner, tu es immunisé. On ne peut pas te traîner en cours. On peut pas te... Exactement. Donc, si ça dure 1 an, 2 ans, il pourrait avoir l'immunité diplomatique, appelons ça de même, pendant 1 année, 2 années. Donc, on peut pas le traîner en cours. Donc, il aurait le temps de se revirer de bord, puis de prendre son passeport, puis de partir. Ciao, bye. Il pourrait. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas, par contre, parce qu'on a un parti d'opposition comme le PQ qui a été au pouvoir pendant longtemps, qui demande une commission d'enquête, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont blancs comme neige, eux autres aussi? Qu'est-ce qui nous prouve pourquoi on est porté à penser que la corruption a débuté en 2003, dans le fond? Hein? Non, ça, t'as entièrement raison là-dessus, Simon. Pauline Marois, elle en a vu une commission d'enquête parce qu'elle sait que les gens veulent ça, donc c'est purement électoraliste. Mmh. Donc, elle fait du capital de sympathie là-dessus. Ils ont beaucoup à perdre. Ils ont beaucoup à perdre parce que, si on se souvient bien, la course au leadership de Pauline Marois, il y a eu du cafouillage dans les levées de fonds. Il y aurait eu des versations. Mmh. Je parle au conditionnel parce que je veux pas accuser personne, mais il y aurait eu. Et ça a été rappelé encore cette semaine par les journalistes. Et Pauline Marois a dit... C'est pas de ça qu'on jase, là, c'est du gouvernement Charest. Donc, elle veut même pas elle-même assumer qu'il y aurait eu malversation lors de sa course en 2005. Mais en même temps, je pense qu'elle aurait plus à gagner en fait du mal qu'elle fait aux libéraux que elle, parce que en fait elle, ça date longtemps, le chef a changé. Si on n'a pas joué là-dessus. C'est ça. Elle pourrait se défendre là-dessus. Mais la population québécoise est tellement cynique présentement envers ses politiciens que libéral, péquiste, peu importe, ça, on sait qu'il y a de la corruption au Québec et non pas au Parti libéral, c'est au Québec. Et si on regarde bien les journaux, la radio, la télé ces temps-ci, on voit une pub du syndicat canadien de la fonction publique sur les compteurs d'Hydro-Québec. Les compteurs en or. Une très belle publicité où on voit un billet de loterie. L'Auto-Québec qui donne des billets de loterie à la population. Et on gratte, puis c'est marqué 1 milliard d'investissements, puis patati patata. Et à la fin, c'est marqué à qui est-ce que ça va vraiment profiter? Juste instaurer le doute. Est-ce que ça va profiter à la population du Québec, au gouvernement ou à des personnes en arrière qui salivent déjà de voir la manne rentrer dans leur compte de banque? Donc déjà, eux autres, le syndicat canadien de la fonction publique, jouent sur justement le cynisme pour dénoncer un geste politique, purement. Mais c'est rendu dans l'imaginaire collectif québécois que tout ce qui est au pouvoir est corrompu. Donc, c'était là la question d'un journaliste à la conférence de presse de la semaine dernière de Jean Charest. Un journaliste lui a demandé, Kathleen Lévesque, si je me souviens bien, du Devoir. Elle lui a demandé clairement, « Monsieur Charest, êtes-vous le chef d'un État corrompu? » Ça a fait mal. Parce que la conférence, je l'écoutais en direct, il y a eu un silence de mort pendant 2-3 secondes. Les journalistes ont dit, « Elle a osé poser la question. » Et Jean Charest, visuellement parlant, il s'est reclus sur sa chaise, a avalé de travers. Il a pris une grande respiration, puis il est revenu sans même répondre oui ou non. Il a non répondu. Sans commentaire. Il a fait la langue de bois, donc de la logocratie. Oh! Oh ben, Colin, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit, c'était quoi? Hein? Écoute, on serait à la fin de l'année, là, on serait comme au mois d'avril, t'aurais pas de meilleure façon pour conclure ta chronique pour l'été. Bon, c'est... ben, je me restais à la moitié, je suis sûr, mais. Quand même, c'est. Ouais, elle a du guts, mais bon, c'est une journaliste du Devoir en même temps. Les autres, ils aiment pas vraiment le gouvernement Charest. Non, les autres sont tagués, ça, c'est clair. Donc, ça résume la rentrée parlementaire de cette semaine. Donc, collusion, rapport du Chéneau. Si vous voulez en savoir plus sur la parole du Chéneau, parce que ça va être vraiment très hot la semaine prochaine, et ma chronique va s'intituler sûrement du Chéneau, parce que jeudi, c'est l'enregistrement de Tout le monde en parle. Et Jacques Chéneau participe à l'enregistrement de Tout le monde en parle. Et on sait que Guillaume Lepage n'aime pas trop le gouvernement Charest. Il est meilleur qu'un juge qu'une commission parlementaire pour retirer des verres du nez de quelqu'un. Oui, il y a beaucoup plus de populace qui l'écoute que juge comme moi. OK. Vendredi, Jacques Chéneau rencontre Pierre Moreau, donc le leader parlementaire, le ministre des Affaires des Travaux publics, pour discuter, on sait pas quoi, et on pense qu'il pourrait y avoir un échange de scénarios. Donc, tu dis ça, je vais dire ça, je vais dire ça. Donc, on craint. Mais mardi prochain, là, ça va être à surveiller. Là, il va y avoir un blackout médiatique tout court du Chéneau à l'Assemblée nationale. Il va parler librement, il a carte blanche pour parler. Et c'est pas ce qu'il va dire nécessairement, c'est comment il va le dire qui va être très important. Et surtout, ce qui va en découler. Donc, lui pourrait dire, voici comment ça marche. Il pointera peut-être pas des ministres ou des députés. Il va juste dire, voilà comment ça marche. Donc, la machine à rumeurs va partir, toi. On va en entendre parler pour des semaines et des semaines. Donc, tout ça pour me revenir au tout début de la chronique. Y aura-t-il des élections cet automne? De moins en moins certain, parce que ça va trop brasser pour Charest. Donc, deux solutions s'offrent à Charest. Des élections au printemps, quand la tempête va être calmée, probablement. Puis au printemps, en fait, est-ce qu'on parle là, de que... Nathalie Normandeau? Non. L'autre partie là, se forme de François Legault. Voilà. Donc Jean Charest, lui, il y a deux sessions pour réagir, parce que François Legault est en tournée pour ramasser de l'argent, ramasser des appuis et se faire du capital de sympathie. Donc, il pourrait former son parti politique au mois de décembre. Mais on sait qu'un parti politique, c'est pas comme une réunion de chums, on décide ça à soir, puis tout à chaque bière, moi et Prédzel, puis go, on fait un party de football. Non, c'est pas bien que ça marche. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Québec solidaire, c'est été fondé en 2005. Ils commencent à peine à conclure leur programme. Ça fait 6 ans, là. Donc, François Legault, présentement, il vogue sur une grande vague de popularité. Ouais, c'est ça. C'est normal, il n'y a rien à défendre, il n'y a rien à dire. C'est normal. Mais Jean Charest a cette session aussi pour déclencher des élections, sauf que ça va très mal pour lui, 20% de popularité dans les sondages, ce qui n'est pas suffisant pour gagner. Et au printemps, la tempête se calmera, mais l'autre choix qui s'offre à lui, c'est de démissionner et de nommer quelqu'un d'autre. Mais je pense, moi, c'est ça qui va arriver. S'il n'y a pas d'élection cet automne, ça y est, c'est la fin, il va prendre sa retraite. Puis, écoute, ça va être mérité aussi. On conclut le même scénario, François-Olivier. Jean Charest va passer à l'histoire quand même. Avant même d'être accusé de collusion ou de favoritisme, il va passer à l'histoire pour son plan en or et bon, sa réingénierie d'État. Son nom est déjà inscrit dans le dictionnaire Larousse 2014. Okay? Il va pouvoir son poste à l'ONU. Ouais, à l'ONU, délégation de la francophonie mondiale. Ça doit être un bon salaire. En train de sécher, là. Disons que t'as un compte de dépenses beaucoup plus faramineux. Je m'inquiète pas pour lui. Et l'autre scénario, c'est que Pauline Marois démissionne parce que ça va tellement mal au Parti québécois. Là, Jean Charest pourrait en profiter pour dire « Regardez, nous autres, ça va mal, mais eux autres, ça va encore plus mal. » Donc, il prend, c'est un 25 cents qui tire en l'air. C'est pile ou face. Mais ça, je penserais pas que ça se fasse. Je mettrais pas ma main au feu. C'est comme les libéraux se font tirer dessus, mais le Parti québécois se tire dessus lui-même. Entre eux autres. Ouais, ça, c'est la beauté du Parti québécois. T'as pas besoin d'ennemis. Entre eux autres. Incroyable. Mais en même temps, on s'entend que Pauline Marois, bon, écoute, c'est tel que tel, mais... Il n'y a personne qui peut la remplacer, là. Bernard Drainville. C'est lui qui a été nommé non officiellement de par les péquistes, non pas la députation, mais de par si on veut, ceux qui votent péquistes, le PQ. Donc, ça serait lui le favori, mais de très loin. Il n'y a pas beaucoup d'appui, c'est normal. Il ne s'est pas encore lancé officiellement. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne fera pas campagne tout de suite. Il y a encore... juste hier, c'était le grand signe. Hier, c'était le projet de loi 204 sur l'amphithéâtre de Québec. Il a voté contre. Alors que Pauline Marois et Agnès Maltais défendaient carrément ce projet de loi-là. Et c'est le projet de loi qui a débuté la saignée du Parti québécois au printemps. On s'en souvient avec le maire Labombe et Québécois, l'entente secrète. Donc, c'est ça qui a fait éclater le Parti québécois au courant de l'été. Et là, Bernard Drainville, hier, officiellement, s'est levé contre. Donc, ce qui a fait dire à Jean Charest, regardez, il y a même des fédéralistes maintenant au Parti québécois. Juste pour semer la cisanie. Il a dit ça? Ça, c'était plus. Ah, mais il travaillait à Radio-Canada aussi, Bernard Drainville. Ah, ça, c'est clair qu'il est tagué. Voilà, merci beaucoup, François Landry. Ça fait plaisir, Mathieu Tousignan-Plante. Oui, on se retrouve jeudi prochain à 8h30. Est-ce que tu as un autre nom de famille ou un nom caché? Non, moi, c'est Landry. C'est pas François qui s'appelle Joseph, comme tout le monde. Oui, oui, bien tout le monde. Lui, son deuxième nom, c'est Fidèle. François Fidèle. Ah, ouais. Comme Fidèle Lachance. Plus comme Fidèle Castro, chanteur. Non, on connaît pas. Moi, c'est Joseph Serge. Serge? Mathieu Tousignan-Plante, ouais. Serge? Serge. Oh, hein? Serge? Il s'appelle The Serge. Wow! T'aurais pas dû dire ça, toi? Ben, trop tard. Ris pas, toi, petite Jane. Ris pas des gens qui s'appellent Serge, toi, là. Non. Je ris pas des gens qui s'appellent Serge. C'est ça, ben non. Donc, jeudi prochain, 8h30, c'est bon? Oui, monsieur. Bye. Merci. Ah, merci, François. Nous, on va écouter une pièce de Renard Fac. On vient avec la conclusion de l'émission tantôt. Voici le Sal Wave. Je fais les bruits de bouche moi-même. We'll be right back. Roland Frac et un autre excellent extrait des Palmarès C'est fou, c'est le Sale Wave. Je vous rappelle que les Palmarès C'est fou, c'est cet après-midi entre 14h et 17h avec moi et Marie-Pierre Laforge-Bourrère. Oui. Oui. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui, François. Déjà. On remercie François. La semaine. Ben, la semaine au complet, ben oui. Simon Fitzbé, François Landry. Merci. Oui, merci. Merci, merci, merci. Bonjour. On vous remercie. On remercie tous ceux qui ont participé à l'émission toute la semaine, évidemment. Évidemment. Oui, merci aussi. Oui. Lundi à l'émission, on va avoir, comme on disait, notre nouvel horaire, là. Nicolas Ducharme. Oui, Nicolas Ducharme à 8h30. Avec une collègue de sport. Il y a aussi Xavier avec sa collègue thé et cuisine. Vers les 8h. Et vers les 7h30, c'est Kiwan en cavale, en direct de l'Alberta. Formidable. Ça va être très, très, très beau comme émission lundi entre 7h et 9h. Restez à l'écoute, le dîner de con commence à 11h. Et puis plus tard en journée, comme je disais, les Palmarès, c'est fou. Et en soirée, à 18h, la spirale avec de l'indie rock. À 19h, c'est du punk rock avec Sky Punka. Et voilà pour votre journée sur les ondes de C'est fou. Merci Mathieu. Merci à toi François. On se quitte avec M'en aller de Monogrenade parce que je sais que tu veux aller vaquer à d'autres occupations. Et puis on se revoit lundi. C'est ça. À être couché, mais peut-être plus demain. Ah oui, s'il vous plaît. À lundi. À lundi. Bye.